Le meeting d'amitié consacré au 52e anniversaire de l'historique visite du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il en Indonésie a été organisé le 19 à la maison du corps diplomatique Taedonggang à Pyongyang au nom commun de l'association d'amitié Corée-Indonésie et de l'ambassade indonésienne en Corée. Y ont pris part les officiels intéressés, les travailleurs, les enseignants et élèves de l'école secondaire du cycle supérieur de Rulgok de l'arrondissement de Sungyo d'amitié Corée-Indonésie, l'ambassadeur et les diplomates indonésiens. À la suite des interventions, les participants ont vu un documentaire sur la visite du président Kim Il-sung en Indonésie et le spectacle des enfants coréens et des diplomates indonésiens.